Sila, moral conduct, is the restraint of our actions and speech so that we don't harm others or ourselves. And it's the foundation for the development of concentration and of wisdom. So without establishing good moral conduct, it's not possible to develop meditation. L'enseignement du Bouddha comporte trois entraînements. Ces trois entraînements sont d'abord l'entraînement à la moralité sila, l'entraînement à la concentration samadhi et l'entraînement à la sagesse panya. Ce sont donc les trois entraînements que nous propose le Bouddha. Pour ce qui est de sila, la moralité, ce premier entraînement c'est la base, c'est le fondement de la pratique. Il s'agira de contrôler ses paroles et ses actes physiques, dans le but de ne pas nuire aux autres, que ce soit des humains ou d'autres êtres. Sila, la moralité, c'est le fondement. Sans sila, il est impossible de développer samadhi et panya. Autrement dit, il est impossible de développer la méditation. On compare sila à une bouche. Si nous n'avions pas de bouche, ou si notre bouche n'était pas saine, il nous serait impossible de nous alimenter, et en conséquence, nous ne pourrions pas nous développer. Si nous n'avons pas sila, si nous n'avons pas cette première base, ce premier fondement, il n'y aura pas moyen de développer notre méditation, nous ne pourrons développer ni la concentration, ni la sagesse. Il y a toutes sortes de façons de pratiquer sila. Il y a tout d'abord les 5 préceptes moraux, il y a les 8 préceptes moraux, il y a les 9 préceptes moraux, il y a les préceptes monastiques, ceux que doivent prendre les moines, il y en a 227, et les nonnes en ont encore plus. Si nous voulons développer la concentration et la sagesse, il faudra obligatoirement respecter un minimum de 5 préceptes. Ces 5 préceptes de base consistent à s'abstenir de tuer, s'abstenir de prendre ce qui n'a pas été donné, s'abstenir de l'adultère, s'abstenir du mensonge et s'abstenir de drogue ou d'intoxicant. Ces 5 préceptes est la liste minimum requise pour pouvoir vivre une vie sociale harmonieuse. Si nous voulons vivre de façon harmonieuse et paisible avec nous-mêmes et avec les autres, il faudra respecter ces 5 préceptes de base. Si on les rompt, si on ne les respecte pas, nous allons inévitablement nuire aux autres. Le 5e précepte, qui consiste à s'abstenir de prendre des intoxicants ou des drogues, n'est pas vraiment un précepte, mais comme il est la porte vers l'absence de contrôle des 4 autres préceptes, on l'inclut quand même dans la série des 5 préceptes. Si on prend des intoxicants ou des drogues, nous ne pourrons plus faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Nous ne pourrons pas comprendre ce qu'il convient de faire et ce dont il convient de s'abstenir. Et en conséquence, nous allons perdre le contrôle de nous-mêmes. Nous serons amenés très facilement et très rapidement à rompre l'un ou l'autre des 4 premiers préceptes. Il est possible de développer la concentration et la sagesse en se limitant à 5 préceptes. Mais dans le cadre d'une retraite comme celle-ci, nous allons prendre 8 préceptes au lieu de 5. Ce sera donc un peu plus difficile. Dans la liste des 8 préceptes, le 3e, qui consiste à éviter l'adultère, est plus sévère. Il s'agira de s'abstenir de toute activité sexuelle. Ce 3e précepte est donc plus sévère, plus exigeant dans la liste des 8 que dans la liste des 5. Tout simplement parce que le méditant doit consacrer le meilleur de son énergie et de son attention à la méditation. On va ajouter aux 5 préceptes de base 4 autres préceptes. Le premier de ces 4, c'est s'abstenir de nourriture solide après 12 heures. C'est une coutume très ancienne qui va nous permettre de consacrer plus de temps et plus d'énergie à la méditation. Cette coutume va également faciliter le travail de l'intendance. Et parfois, il y en a même qui pratiquent ce précepte pour faire des économies. Donc, le septième précepte consiste à éviter les distractions, les divertissements. On évite aussi de s'embellir le corps par des parfums, par des cosmétiques. On évite de porter des bijoux. Tout cela n'est pas recommandé pendant une retraite. Le huitième précepte consiste à éviter d'utiliser des lits ou des fauteuils luxueux. On essaye de vivre dans la simplicité. Par exemple, on utilise des lits d'une personne. Si on ne le fait pas et qu'on se retrouve dans un lit trop luxueux pour une retraite, il est possible que ça éveille le désir sensuel et qu'on aimerait que quelqu'un soit là à côté de nous. Donc, en résumé, on essaye de mener une vie très simple. Et ici, nous allons ajouter un neuvième précepte qui consiste à garder l'esprit calme et bienveillant à l'égard de tous les êtres pendant toute la retraite. Tous ces préceptes ont donc pour but de ne pas nuire aux autres, mais éviter les divertissements. Si on se divertit, qu'on écoute de la musique, qu'on va à des spectacles, qu'on porte des bijoux et qu'on se parfume, on pourrait dire qu'on ne nuit pas aux autres. Et c'est vrai qu'on ne nuit pas aux autres en faisant cela. Mais en s'en abstenant, on va gagner du temps, on va gagner de l'énergie et on pourra mieux se consacrer à la méditation. Vous devez essayer de maintenir ces préceptes purs, ces neuf préceptes purs. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle vous allez les reprendre chaque jour. Nous allons reprendre les préceptes avant l'enseignement chaque jour, car c'est le fondement de la méditation. Vous devez essayer de ne pas grignoter en cours de journée, par exemple. Tout cela va nuire à votre concentration, va nuire à votre attention, va vous distraire. Si vous maintenez votre sila pur, vous pouvez être certain que vous progresserez rapidement. Lorsque vous serez rentré chez vous, il ne sera pas nécessaire de prendre les 8 ou les 9 préceptes. 5 suffisent, mais 5 c'est le minimum. Tayali va donner quelques instructions pour ceux qui n'ont encore jamais pratiqué cette méditation. Demain matin, nous écouterons un enseignement plus complet à propos de la façon dont il faut pratiquer. Pour l'instant, vous devez simplement vous asseoir avec le dos bien droit, vous fermez les yeux, vous maintenez la colonne bien droite et vous prenez conscience de la posture assise. Lorsqu'on observe la posture assise, on prend conscience du corps tout entier. On le regarde non pas avec l'œil physique, mais avec l'œil intérieur. Et on étiquette mentalement en répétant « assis, assis ». C'est donc l'attention à la posture. Il y a 4 postures dans lesquelles nous allons obligatoirement nous trouver au cours de la journée. Les 4 postures principales sont la posture assise, la posture debout, la posture en marche et la posture allongée. Pour l'instant et jusque demain matin, je vous demande de pratiquer la posture assise. Prenez donc conscience de votre corps qui est installé dans la posture assise. Vous allez également observer la posture debout. Lorsqu'on observe la posture debout, on prend conscience du corps tout entier qui se maintient dans la posture debout. Et on étiquette mentalement cela en répétant doucement « debout, debout ». Observez attentivement cette posture debout. Vous allez peut-être expérimenter de la lourdeur, de la légèreté, tout cela est possible. Vous allez également observer la posture en marche. Lorsqu'on observe la posture en marche, on va se concentrer, se focaliser sur la jambe ou les jambes. Chaque fois que votre jambe va bouger, vous devez en être conscient et vous répétez mentalement « marchez, marchez ». Vous essayez de synchroniser la prise de conscience avec le mouvement. L'observation doit se faire dans l'instant présent. Vous essayez de maintenir votre attention pendant toute la durée du mouvement et vous étiquetez mentalement « marchez ». Marcher, ou bien pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. vous portez votre attention sur l'entièreté du corps qui est installé dans la posture assise et vous étiquetez ce phénomène en répétant mentalement « assis, assis ». Vous allez noter ainsi, assis, assis, pendant un certain temps. Vous prenez conscience de la posture assise. Après quelque temps, vous aurez envie de passer à autre chose. Vous pouvez alors ajouter un objet, et c'est le toucher. Lorsque vous observez la sensation de toucher, vous devez vous choisir une sensation très claire, par exemple au niveau des fesses qui sont en contact avec le coussin. Vous observez cette sensation de contact et vous répétez mentalement « toucher, toucher ». Donc vous commencez par « assis, assis » et ensuite vous observez « toucher, toucher ». Lorsque vous observez ainsi la posture assise et le toucher, il est possible qu'après un certain temps, vous commenciez à ressentir du mouvement au niveau de l'abdomen. Ces mouvements vont se manifester et ils sont liés à la respiration. Selon la méthode de Mahasi Sayadaw, ces mouvements de l'abdomen qui sont provoqués par la respiration sont de très bons objets d'observation. Vous allez donc observer cet abdomen qui bouge. Vous verrez qu'au moment où l'air est inspiré, l'abdomen va se soulever. Au moment où l'air est expulsé du corps, l'abdomen va s'abaisser. Mais il est possible également que vous voyez un mouvement vers l'extérieur, un mouvement vers l'intérieur. Vous devez étiqueter ces mouvements. Vous répétez mentalement soulèvement, abaissement ou bien gonfler, dégonfler. Vous choisissez les mots qui correspondent à ce que vous expérimentez. Vous allez donc maintenant observer ces deux mouvements. Vous essayez de les voir dans leur entièreté, en maintenant votre attention du début à la fin. So now we'll continue for about 20 more minutes. Nous allons poursuivre cet exercice pendant une vingtaine de minutes.